que j'ai gagné ce type de son charnier. C'est la sourdité et la cécité. Creuser, t'as tranché, creuser, crevé. Creuser, t'as tranché, creuser, crevé. Creuser, t'as tranché, creuser, crevé.